Chapitre 28e. Des yeux qui regardent des yeux. Peu à peu, la vie habituelle recommença. Ce jour allait ressembler aux autres jours avec une grande douleur en plus. La maison commença à connaître les bruits accoutumés. Les domestiques s'éveillaient, descendaient à leur travail. Dans la rue, les fournisseurs passaient. Ce fut le milkman, le laitier, qui arriva avec sa voiture tintinabulante. Il s'arrêta devant la porte de service du bungalow blanc. La cuisinière lui ouvrit la porte, prit les bouteilles habituelles, celles de la maison, celles du chocolat de Darling, du thé et celles pour ses sous. Après les plaisanteries, tous les jours les mêmes, le bonjour, le milkman partit, continuant sa tournée. Ayama qui vint chercher la bouteille de lait pour ses sous. « Rien encore, Pugnose ?» demanda-t-il. « Rien, Ayamaki, » répondit le cow-boy, qui du revers de sa rude main essuya les larmes roulant maintenant sur ses joues. « Je crois comme vous que mon pauvre pipe est perdu. » Ayamaki alla porter le lait à sa branche de glycine, à sa chère Tsuru, levée déjà. Chemin faisant, Ayamaki, payez-lui pour le savoir, se disait. « Oui, perdu. Perdu car nous nous attaquons au maître, à Zygomar, et celui-là est plus fort que nous. » Mais il ajouta. « Cependant, il y a encore une vie qui est sacrifiée pour le combattre, la mienne. » Et en souriant, de son bon sourire de japonais, il tendit à Tsuru la bouteille de lait pour le petit déjeuner de son enfant. Il regarda son fils dormir encore. Tsuru, alerte et vive, prépara le premier repas. Il emplit ses yeux aimants de ce tableau de bonheur, et il se dit « C'est peut-être la dernière fois que je vois cela, car pour retrouver Darling tout à l'heure, j'irai risquer ma vie. » Ayamaki alla rejoindre son camarade Pugnose. « Dans un moment, lui dit-il, ma chère Tsuru va nous appeler pour le petit déjeuner. Tu viendras, mais tu essuieras tes yeux pour qu'elle ne voie pas notre anxiété. Tes larmes, mon bon Pugnose. Bien, Ayamaki, elle ne verra rien. Ce n'est pas la peine d'alarmer les femmes, n'est-ce pas, Pugnose? Non, Ayamaki. Puis nous panserons tes chevaux, proposa Ayamaki à Pugnose, et le poney de Darling. Shorty, brave Shorty, nous le soignerons bien, Pugnose. Oui, Ayamaki, et nous nous tiendrons prêts tous deux à partir si le maître le demande. C'est entendu, Pugnose. Tout de suite, Ayamaki. Et rien ne nous arrêtera, n'est-ce pas, Pugnose? Rien. Il me semble que je suis trois fois plus fort, Ayamaki. Moi, trois fois plus adroit, Pugnose. Alors top là, Ayamaki. Et le cow-boy tendit sa large main. Ça y est, Pugnose. Le japonais mit dans cette main sa main toute petite et les deux hommes se donnèrent comme dans la prairie un de ces shake-hands. Pour confirmer un accord, vous démontez absolument l'épaule. À ce moment, Tsuru appela son mari qui entraîna son compagnon Pugnose. Après le premier déjeuner, comme convenu, Ayamaki accompagna Pugnose à l'écurie pour le seconder dans les soins à donner aux chevaux. Le japonais prit les seaux pour aller chercher de l'eau pendant que le cow-boy entrait dans le box. Pugnose n'avait pas fait deux pas sur la paille qu'il poussa un cri. « Ayamaki, viens vite !»« Voilà, Pugnose !» Le cow-boy lui désigna le fond de l'écurie sous la mangeoire de Shorty. « Tu vois, Ayamaki ?»« Je vois, Pugnose. » C'étaient deux points brillants qui perçaient l'ombre, deux yeux bien vivants, grands ouverts. « Pip !» fit Pugnose. « Pip !» appuya Ayamaki. Et les deux compagnons se tinrent là, ébahis, stupéfaits, devant ces deux points brillants. Ils regardaient, ahuris, ces yeux de chien qui les regardaient. « Ne bouge pas, Pugnose !» dit enfin Ayamaki. « Empêche le chien de s'en aller. Il ne s'en ira pas. Où vas-tu, Ayamaki ?» prévenir le maître. Ayamaki, en quelques bonds, arriva au bungalow blanc. Il ne s'attarda pas à demander au domestique d'annoncer sa venue. Il connaissait la maison et il savait que Paulin Broquet, ayant veillé comme lui, comme Pugnose, devait être encore debout à cette heure et habillé. Vivement, il frappa la porte du bureau de Paulin Broquet. Quand on lui eut dit d'entrer, il pénétra. « Maître, le chien est à la maison. Pip ? » s'écrièrent Paulin Broquet et Miss Eden. Tous deux étaient debout. Nous venons de le trouver, Pugnose et moi, dans le box de Shorty. La main, la main ! Demanda vivement Paulin Broquet. A-t-il la main ? Nous ne savons pas. Pugnose et moi, nous n'avons pas voulu déranger le chien avant que vous ne l'ayez vu vous-même. Bon, je descends. Je vais avec vous, dit Miss Eden. On ne pouvait refuser cela à son anxiété. On se rendit donc à l'écurie. Pugnose se tenait à l'intérieur, devant la porte. Il regardait le chien, et le chien le regardait. Tous deux se surveillaient, se demandant certainement l'un et l'autre ce qui devait se passer dans la cervelle de l'un et de l'autre, et quelle devait être la suite de cet événement bizarre. « Comment, pensait Pagnose, le chien a-t-il pu passer sans que je l'aie vu, moi qui veillais toute la nuit pour l'attendre? Depuis quand est-il là ?»« Quel genre de raclée vais-je recevoir ?» se demandait le chien en souvenir de son escapade, de son chapardage de la veille. Et ils en étaient là, tous deux, quand parurent Paulin Broquet, Missiden et Ayamaki. Paulin regarda la scène, il ne put retenir un sourire. Elle était du plus haut comique et en même temps du plus profond tragique. « Ça, dit-il à Pagnose, votre chien a peur de vous. Il sent qu'il a commis une faute et il redoute la correction qu'il mérite grandement. Je le crois. »« Chien battu n'a jamais rien valu, » dit un proverbe français plein de bon sens, « attendu qu'on ne bat que les chiens qui ne valent rien, à moins que ce ne soit le maître qui ne baille pas son chien. Cela arrive. Moi, je n'ai jamais battu mon pipe. C'est tant mieux. Tout va pouvoir s'arranger. Ordonnez. D'abord, nous allons nous retirer. Vous appellerez doucement Pipe, lui parlerez, lui ferez comprendre à votre façon que vous n'êtes pas fâché contre lui. Bien, c'est facile. Une fois que Pipe sera rassuré, qu'il ne craindra plus le coup de fouet, c'est à vous de lui arracher son secret et d'obtenir qu'il vous conduise là où il a enterré la main de Futsi. On laissa donc Pagnose avec son chien. Pendant que le cow-boy doucement apprivoisait son Pipe, le japonais prit ses instruments de jardinage. « Je vais, dit-il à Paulin Broquet, pendant que Pagnose et Pipe s'arrangent, fouillez le jardin. Creusez tous les coins où le chien peut avoir caché la main. » Paulin Broquet eût voulu se rattacher à cette dernière, cette suprême espérance, mais malgré lui, il ne pouvait avoir confiance. Malheureusement, ses pressentiments encore cette fois ne le trompaient pas. Pagnose fut bientôt très camarade avec son chien, et Ayamaki retourna consciencieusement une partie du jardin, sans qu'aucune découverte fût faite. Ayamaki avait amoncelé un petit tas de vieux os, mais nullement découvert la main de Futsi. C'était à désespérer de tout.